Chapitre 9. Je rencontre un géant chaussé de bottes de 7 lieues. En quittant le sol desséché des causses et des garrigues, je me trouve par le souvenir dans une vallée toujours fraîche et verte, celle de la Dordogne, que nous descendons à petite journée, car la richesse du pays fait celle des habitants, et nos représentations sont nombreuses, les sous tombent assez facilement dans la sébile de Capi. Un pont aérien, léger comme s'il était soutenu dans le brouillard par des fils de la Vierge, s'élève au-dessus d'une large rivière qui roule doucement ses eaux paresseuses. C'est le pont de Cubzac, et la rivière est la Dordogne. Une ville en ruine, avec des fossés, des grottes, des tours, et, au milieu des murailles croulantes d'un cloître, des cigales qui chantent dans les arbustes accrochés çà et là. C'est Saint-Émilion. Mais tout cela se brouille confusément dans ma mémoire, tandis que bientôt se présente un spectacle qui la frappe assez fortement pour qu'elle garde l'empreinte qu'elle a alors reçue, et cela représente aujourd'hui avec tout son relief. Nous avions couché dans un village assez misérable, et nous en étions partis le matin, au jour naissant. Longtemps nous avions marché sur une route poudreuse, lorsque tout à coup nos regards, jusque-là enfermés dans un chemin que bordaient des vignes, s'étendirent librement sur un espace immense, comme si un rideau, touché par une baguette magique, s'était subitement abaissé devant nous. Une large rivière s'arrondissait doucement autour de la colline sur laquelle nous venions d'arriver, et au-delà de cette rivière, les toits et les clochers d'une grande ville s'éparpillaient jusqu'à la courbe indécise de l'horizon. Que de maisons, que de cheminées, quelques-unes plus hautes et plus étroites, élancées comme des colonnes, vomissaient des tourbillons de fumée noire qui, s'envolant aux caprices de la brise, formaient au-dessus de la ville un nuage de vapeur sombre. Sur la rivière, au milieu de son cours et le long d'une ligne de quai, se tassaient de nombreux navires qui, comme les arbres d'une forêt, emmêlaient les uns dans les autres leurs mâtures, leurs cordages, leurs voiles et leurs drapeaux multicolores qui flottaient au vent. On entendait des ronflements sourds, des bruits de ferraille et de chaudronnerie, des coups de marteau, et par-dessus tout, le tapage produit par le roulement de nombreuses voitures qu'on voyait courir çà et là sur les quais. « C'est Bordeaux !» me dit Vitalis. Pour un enfant élevé comme moi qui n'avait vu jusque-là que les pauvres villages de la Creuse ou les quelques petites villes que le hasard de la route nous avait fait rencontrer, c'était féerique. Sans que j'eusse réfléchi, mes pieds s'arrêtèrent. Je restai immobile, regardant devant moi, au loin, auprès, tout alentour. Mais bientôt mes yeux se fixèrent sur un point, la rivière et les navires qui la couvraient. En effet, il se produisait là un mouvement confus qui m'intéressait d'autant plus fortement que je n'y comprenais absolument rien. Des navires, leurs voiles déployées, descendaient la rivière légèrement inclinée sur un côté. D'autres la remontaient. Il y en avait qui restaient immobiles comme des îles, et il y en avait aussi qui tournaient sur eux-mêmes sans qu'on vît ce qui les faisait tourner. Enfin, il y en avait encore qui, sans mâture, sans voilure, mais avec une cheminée qui déroulait dans le ciel des tourbillons de fumée, se mouvaient rapidement, allant en tous sens et laissant derrière eux, sur l'eau jaunâtre, des sillons d'écume blanche. « C'est l'heure de la marée, » me dit Vitalis, répondant sans que je l'eusse interrogé à mon étonnement. « Il y a des navires qui arrivent de la pleine mer après de longs voyages. Ce sont ceux dont la peinture est salie et qui sont comme rouillés. Il y en a d'autres qui quittent le port. Ce que tu vois au milieu de la rivière, tourner sur eux-mêmes, évite sur leur ancre de manière à présenter leur proue au flot montant. Ceux qui courent, enveloppés dans des nuages de fumée, sont des remorqueurs. Que de mots étranges pour moi! Que d'idées nouvelles! Lorsque nous arrivâmes au pont qui fait communiquer la Bastide avec Bordeaux, Vitalis n'avait pas eu le temps de répondre à la centième partie des questions que je voulais lui adresser. Jusque-là, nous n'avions jamais fait long séjour dans les villes qui s'étaient trouvées sur notre passage, car les nécessités de notre spectacle nous obligeaient à changer chaque jour le lieu de nos représentations afin d'avoir un public nouveau. avec des comédiens tels que ceux qui composaient la troupe de l'illustre Signor Vitalis. Le répertoire ne pouvait pas, en effet, être bien varié. Et quand nous avions joué le domestique de M. Jolicoeur, la mort du général, le triomphe du juste, le malade purgé et trois ou quatre autres pièces, c'était fini. Nos acteurs avaient donné tout ce qu'ils pouvaient. Il fallait, ailleurs, recommencer le malade purgé ou le triomphe du juste devant des spectateurs qui n'eussent pas vu ces pièces. Mais Bordeaux est une grande ville où le public se renouvelle facilement. Et en changeant de quartier, nous pouvions donner jusqu'à 3 et 4 représentations par jour sans qu'on nous criât, comme cela nous était arrivé à Cahors. C'est donc toujours la même chose. De Bordeaux, nous devions aller à Pau. Notre itinéraire nous fit traverser ce grand désert qui, des portes de Bordeaux, s'étend jusqu'aux Pyrénées et qu'on appelle les Landes. Bien que je ne fusse plus tout à fait le jeune souriceau dont parle la fable et qui trouve dans tout ce qu'il voit un sujet d'étonnement, d'admiration ou d'épouvante, je tombai dès le commencement de ce voyage dans une erreur qui fit bien rire mon maître et me valut ses railleries jusqu'à notre arrivée à Pau. Nous avions quitté Bordeaux depuis 7 ou 8 jours, et après avoir tout d'abord suivi les bords de la Garonne, nous avions abandonné la rivière à Langon, et nous avions pris la route de Mont-de-Marsan qui s'enfonce à travers les terres. Plus de vignes, plus de prairies, plus de vergers, mais des bois de pins et des bruyères. Bientôt les maisons devinrent plus rares, plus misérables. Puis nous nous trouvâmes au milieu d'une immense plaine qui s'étendait devant nous à perte de vue, avec de légères ondulations. Pas de culture, pas de bois, la terre grise au loin, et tout auprès de nous, le long de la route, recouverte d'une mousse veloutée, des bruyères desséchées et des genêts rabougris. Nous voici dans les Landes, dit Vitalis. Nous avons 20 ou 25 lieues à faire au milieu de ce désert. Mets ton courage dans tes jambes. C'était non seulement dans les jambes qu'il fallait le mettre, mais dans la tête et le cœur, car à marcher sur cette route qui semblait ne devoir finir jamais, on se sentait envahi par une vague tristesse, une sorte de désespérance. Depuis cette époque, j'ai fait plusieurs voyages en mer, et toujours, lorsque j'ai été au milieu de l'océan, sans aucune voile en vue, j'ai retrouvé en moi ce sentiment de mélancolie indéfinissable qui me saisit dans ces solitudes. Comme sur l'océan, nos yeux couraient jusqu'à l'horizon noyé dans les vapeurs de l'automne, sans apercevoir rien que la plaine grise qui s'étendait devant nous, plate et monotone. Nous marchions, et lorsque nous regardions machinalement autour de nous, c'était à croire que nous avions piétiné sur place sans avancer, car le spectacle était toujours le même. Toujours des bruyères, toujours des genêts, toujours des mousses. Puis des fougères dont les feuilles souples et mobiles ondulaient sous la pression du vent, se creusant, se redressant, se mouvant comme des vagues. À de longs intervalles seulement, nous traversions des bois de petite étendue, mais ces bois n'égayaient pas le paysage comme cela se produit ordinairement. Ils étaient plantés de pins dont les branches étaient coupées jusqu'à la cime. Le long de leurs troncs, on avait fait des entailles profondes. Et par ces cicatrices rouges s'écoulait leur résine en larmes blanches cristallisées. Quand le vent passait par rafales dans leurs ramures, ils produisaient une musique si plaintive qu'on croyait entendre la voix même de ces pauvres arbres mutilés qui se plaignaient de leurs blessures. Vitalis m'avait dit que nous arriverions le soir à un village où nous pourrions coucher. Mais le soir approchait, et nous n'apercevions rien qui nous signalât le voisinage de ce village. Ni champs cultivés, ni animaux pâturant dans la lande, ni, au loin, une colonne de fumée qui nous aurait annoncé une maison. J'étais fatigué de la route parcourue depuis le matin, et encore plus abattu par une sorte de lassitude générale. Ce bienheureux village ne surgirait-il donc jamais au bout de cette route interminable? J'avais beau ouvrir les yeux et regarder au loin, je n'apercevais rien que la lande, et toujours la lande, dont les buissons se brouillaient de plus en plus dans l'obscurité qui s'épaississait. L'espérance d'arriver bientôt nous avait fait hâter le pas, et mon maître lui-même, malgré l'habitude de ses longues marches, se sentait fatigué. Il voulait s'arrêter et se reposer un moment sur le bord de la route. Mais au lieu de m'asseoir près de lui, je voulus gravir un petit monticule planté de genêts qui se trouvait à une courte distance du chemin, pour voir si de là je n'apercevrais pas quelque lumière dans la plaine. J'appelai Capi pour qu'il vînt avec moi, mais Capi lui aussi était fatigué et il avait fait la sourde oreille, ce qui était sa tactique habituelle avec moi lorsqu'il ne lui plaisait pas de m'obéir. « As-tu peur ?» demanda Vitalis. Ce mot me décida à ne pas insister et je partis seul pour mon exploration. Je voulais d'autant moins m'exposer aux plaisanteries de mon maître que je ne me sentais pas la moindre frayeur. Cependant la nuit était venue, sans lune, mais avec des étoiles scintillantes qui éclairaient le ciel et versaient leur lumière dans l'air chargé de légères vapeurs que le regard traversait. Tout en marchant et en jetant les yeux à droite et à gauche, je remarquai que ce crépuscule vaporeux donnait aux choses des formes étranges. Il fallait faire un raisonnement pour reconnaître les buissons, les bouquets de genêts et surtout les quelques petits arbres qui çà et là dressaient leurs troncs tordus et leurs branches contournées. De loin, ces buissons, ces genêts et ces arbres ressemblaient à des êtres vivants appartenant à un monde fantastique. Cela était bizarre et il me semblait qu'avec l'ombre, la lande s'était transfigurée comme si elle s'était peuplée d'apparitions mystérieuses. L'idée me vint, je ne sais comment, qu'un autre à ma place aurait peut-être été effrayé par ces apparitions. Cela était possible, après tout, puisque Vitalis m'avait demandé si j'avais peur. Cependant, en m'interrogeant, je ne trouvais pas en moi cette frayeur. À mesure que je gravissais la pente du monticule, les genêts devenaient plus forts, les bruyères et les fougères plus hautes. Leurs cimes dépassaient souvent ma tête et parfois j'étais obligé de me glisser sous leur couvert. Cependant, je ne tardais pas à atteindre le sommet de ce petit tertre. Mais j'eus beau ouvrir les yeux, je n'aperçus pas la moindre lumière. Mes regards se perdaient dans l'obscurité. Rien que des formes indécises, des ombres étranges, des genêts qui semblaient tendre leurs branches vers moi comme des longs bras flexibles, des buissons qui dansaient. Ne voyant rien qui m'annonçât le voisinage d'une maison, j'écoutai pour tâcher de percevoir un bruit quelconque. Le meuglement d'une vache, l'aboiement d'un chien. Après être resté un moment l'oreille tendue, ne respirant pas pour mieux entendre, un frisson me fit tressaillir. Le silence de la lande m'avait effaré. J'avais peur. De quoi ? Je n'en savais rien. Du silence, sans doute, de la solitude et de la nuit. En tout cas, je me sentais sous le coup d'un danger. À ce moment même, regardant autour de moi avec angoisse, j'aperçus au loin une grande ombre se mouvoir rapidement au-dessus des genêts, et en même temps j'entendis comme un bruissement de branches qu'on frôlait. J'essayai de me dire que c'était la peur qui m'abusait, et que ce que je prenais pour une ombre était sans doute un arbuste que tout d'abord je n'avais pas aperçu. Mais ce bruit, quel était-il ? Il ne faisait pas un souffle de vent. Les branches, si légères qu'elles soient, ne se meuvent pas seules. Il faut que la brise les agite, ou bien que quelqu'un les remue. Quelqu'un ? Mais non, ce ne pouvait pas être un homme, ce grand corps noir qui venait sur moi. Un animal que je ne connaissais pas, plutôt. Un oiseau de nuit gigantesque, ou bien une immense araignée à quatre pattes, dont les membres grêles se découpaient au-dessus des buissons et des fougères, sur la pâleur du ciel. Ce qu'il y avait de certain, c'est que cette bête, montée sur des jambes d'une longueur démesurée, s'avançait de mon côté par des bonds précipités. Assurément, elle m'avait vu, et c'était sur moi qu'elle accourait. Cette pensée me fit retrouver mes jambes, et tournant sur moi-même, je me précipitai dans la descente pour rejoindre Vitalis. Mais, chose étrange, j'allais moins vite en dévalant que je n'avais été en montant. Je me jetais dans les touffes de genêts et de bruyères, me heurtant, m'accrochant. J'étais à chaque pas arrêté. En me dépêtrant d'un buisson, je glissai un regard en arrière. La bête s'était rapprochée. Elle arrivait sur moi. Heureusement, la lande n'était plus embarrassée de brouillard. Je pus courir plus vite à travers les herbes. Mais si vite que j'allasse, la bête allait encore plus vite que moi. Je n'avais plus besoin de me retourner. Je la sentais sur mon dos. je ne respirais plus, étouffé que j'étais par l'angoisse et par ma course folle. Je fis cependant un dernier effort et vins tomber aux pieds de mon maître, tandis que les trois chiens qui s'étaient brusquement levés aboyaient à pleine voix. Je ne pus dire que deux mots que je répétais machinalement. « La bête, la bête !» Au milieu des vociférations des chiens, j'entendis tout à coup un grand éclat de rire. En même temps, mon maître, me posant la main sur l'épaule, m'obligea à me retourner. « La bête, c'est toi !» disait-il en riant. « Regarde donc un peu si tu l'oses !» Son rire, plus encore que ses paroles, m'avait rappelé à la raison. J'osais ouvrir les yeux et suivre la direction de sa main. L'apparition qui m'avait affolée s'était arrêtée. Elle se tenait immobile sur la route. J'eus encore, je l'avoue, un premier moment de répulsion et d'effroi, mais je n'étais plus au milieu de la lande. Vitalis était là et les chiens m'entouraient. Je ne subissais plus l'influence troublante de la solitude et du silence. Je m'enhardis et fixai sur elle des yeux plus fermes. Était-ce une bête? Était-ce un homme? De l'homme, elle en avait le corps, la tête et les bras. De la bête, une peau velue qui la couvrait entièrement, et deux longues pattes maigres sur lesquelles elle restait posée. Bien que la nuit se fût épaissie, je distinguais ces détails, car cette grande ombre se dessinait en noir comme une silhouette sur le ciel où de nombreuses étoiles versaient une pâle lumière. Je serais probablement resté longtemps indécis à tourner et retourner ma question, si mon maître n'avait adressé la parole à mon apparition. Pourriez-vous me dire si nous sommes éloignés d'un village ? Demanda-t-il. C'était donc un homme, puisqu'on lui parlait. Mais pour toute réponse, je n'entendis qu'un rire sec, semblable au cri d'un oiseau. C'était donc un animal ? Cependant, mon maître continua ses questions, ce qui me parut tout à fait déraisonnable, car chacun sait que si les animaux comprennent quelquefois ce que nous leur disons, ils ne peuvent pas nous répondre. Quel ne fut pas mon étonnement lorsque cet animal dit qu'il n'y avait pas de maison aux environs, mais seulement une bergerie où il nous proposa de nous conduire. Puisqu'il parlait, comment avait-il des pattes? Si j'avais osé, je me serais approché de lui pour voir comment étaient faites ses pattes, mais bien qu'il ne parût pas méchant, je n'eus pas ce courage. Ayant ramassé mon sac, je suivis mon maître sans rien dire. « Vois-tu maintenant ce qui t'a fait si grande peur ?» me demanda-t-il en marchant. « Oui, mais je ne sais pas ce que c'est. Il y a donc des géants dans ce pays-ci. »« Oui, quand ils sont montés sur des échasses. » Et il m'expliqua comment les Landais, pour traverser l'artère sablonneuse ou marécageuse et ne pas enfoncer dedans jusqu'aux hanches, se servaient de deux longs bâtons garnis d'un étrier auquel ils attachaient leurs pieds. Et voilà comment ils deviennent des géants, avec des bottes de 7 lieues pour les enfants peureux. Chapitre 10. Devant la justice. De Pau, il m'est resté un souvenir agréable. Dans cette ville, le vent ne souffle presque jamais. Et comme nous y restâmes pendant l'hiver, passant nos journées dans les rues, sur les places publiques et sur les promenades, on comprend que je dus être sensible à un avantage de ce genre. Ce ne fut pourtant pas cette raison qui, contrairement à nos habitudes, détermina selon ses jours en un même endroit, mais une autre toute puissante auprès de mon maître. Je veux dire l'abondance de nos recettes. En effet, pendant tout l'hiver, nous eûmes un public d'enfants qui ne se fatigua point de notre répertoire et ne nous cria jamais « C'est donc toujours la même chose ?» C'était pour le plus grand nombre des enfants anglais, de gros garçons avec des chairs roses et de jolies petites filles avec de grands yeux doux, presque aussi beaux que ceux de Dolce. Ce fut alors que j'appris à connaître les Albert, les Huntley et autres pâtisseries sèches dont avant de sortir, ils avaient soin de bourrer leurs poches pour les distribuer ensuite généreusement entre Joli Cœur, les chiens et moi. Quand le printemps s'annonça par de chaudes journées, notre public commença à devenir moins nombreux. Et après la représentation, plus d'une fois des enfants vinrent donner des poignées de main à Jolicoeur et à Capi. C'était leurs adieux qu'ils faisaient. Le lendemain, nous ne devions plus les revoir. Bientôt, nous nous trouvâmes seuls sur les places publiques, et il fallut songer à abandonner, nous aussi, les promenades de la basse plante et du parc. Un matin, nous nous mîmes en route, et nous ne tardâmes pas à perdre de vue les tours de Gaston Phébus et de Montauzet. Nous avions repris notre vie errante, à l'aventure, par les grands chemins. Pendant longtemps, je ne sais combien de jours, combien de semaines, nous allâmes devant nous, suivant des vallées, escaladant des collines, laissant toujours à notre droite les cimes bleuâtres des Pyrénées, semblables à des entassements de nuages. Puis, un soir, nous arrivâmes dans une grande ville située au bord d'une rivière, au milieu d'une plaine fertile. Les maisons, fort laides pour la plupart, étaient construites en briques rouges. Les rues étaient pavées de petits cailloux pointus, durs aux pieds des voyageurs qui avaient fait une dizaine de lieues dans leur journée. Mon maître me dit que nous étions à Toulouse et que nous y resterions longtemps. Comme à l'ordinaire, notre premier soin le lendemain fut de chercher des endroits propices à nos représentations. Nous en trouvâmes un grand nombre, car les promenades ne manquent pas à Toulouse, surtout dans la partie de la ville qui avoisine le jardin des plantes. Il y a là une belle pelouse ombragée de grands arbres, sur laquelle viennent déboucher plusieurs boulevards qu'on appelle des allées. Ce fut dans une de ces allées que nous nous installâmes, et dès nos premières représentations, nous eûmes un public nombreux. Par malheur, l'homme de police qui avait la garde de cette allée vit cette installation avec déplaisir, et soit qu'il n'aimât pas les chiens, soit que nous fussions une cause de dérangement dans son service, soit toute autre raison, il voulait nous faire abandonner notre place. Peut-être dans notre position, eût-il été sage de céder à cette tracasserie, car la lutte entre de pauvres saltimbanques tels que nous et des gens de police n'était pas à armes égales. Mais mon maître n'en jugea pas ainsi. Bien qu'il ne fût qu'un montreur de chiens savants, pauvre et vieux, au moins présentement et en apparence, il avait de la fierté. De plus, il avait ce qu'il appelait le sentiment de son droit, c'est-à-dire, ainsi qu'il me l'expliqua, la conviction qu'il devait être protégé tant qu'il ne ferait rien de contraire aux lois ou aux règlements de police. Il refusa donc d'obéir à l'agent lorsque celui-ci voulut nous expulser de notre allée. Lorsque mon maître ne voulait pas se laisser emporter par la colère, ou bien lorsqu'il lui prenait fantaisie de se moquer des gens, ce qui lui arrivait souvent, il avait pour habitude d'exagérer sa politesse italienne. C'était à croire alors, en entendant ses façons de s'exprimer, qu'il s'adressait à des personnages considérables. L'illustrissime représentant de l'autorité, dit-il en répondant chapeau bas à l'agent de police, peut-il me montrer un règlement émanant de la dite autorité par lequel il serait interdit à d'infimes baladins tels que nous d'exercer leur chétive industrie sur cette place publique ? L'agent répondit qu'il n'y avait pas à discuter, mais à obéir. « Assurément, répliqua Vitalis, et c'est bien ainsi que je l'entends. Aussi je vous promets de me conformer à vos ordres, aussitôt que vous m'aurez fait savoir en vertu de quel règlement vous les donnez. » Ce jour-là, l'agent de police nous tourna le dos, tandis que mon maître, le chapeau à la main, le bras arrondi et la taille courbée, l'accompagnait en riant silencieusement. Mais il revint le lendemain, et franchissant les cordes qui formaient l'enceinte de notre théâtre, il se jeta au beau milieu de notre représentation. « Il faut museler vos chiens, » dit-il durement à Vitalis. « Museler mes chiens ? Il y a un règlement de police, vous devez le connaître. » Nous étions en train de jouer le malade purgé, et comme c'était la première représentation de cette comédie à Toulouse, notre public était plein d'attention. L'intervention de l'agent provoqua des murmures et des réclamations. « N'interrompez pas !» « Laissez finir la représentation. » Mais d'un geste, Vitalis réclama et obtint le silence. Alors, ôtant son feutre, dont les plumes balayèrent le sable, tant son salut fut humble, il s'approcha de l'agent en faisant trois profondes révérences. « Illustrissime représentant de l'autorité, n'a-t-il pas dit que je devais museler mes comédiens ? demanda-t-il. Oui, muselez vos chiens, et plus vite que ça. Muselez Capi, Zerbino, Dolce, s'écria Vitalis, s'adressant bien plus au public qu'à l'agent. Mais votre seigneurie n'y pense pas. Comment le savant médecin Capi, connu de l'univers entier, pourra-t-il ordonner ses médicaments purgatifs pour expulser la bile de l'infortuné Monsieur Jolicoeur, si le dit Capi porte au bout de son nez une muselière? Encore si c'était un autre instrument, mieux approprié à sa profession de médecin, et qui celui-là ne se met point au nez des gens. Sur ce mot, il y eut une explosion de rire, et l'on entendit les voix cristallines des enfants se mêler aux voix gutturales des parents. Vitalis, encouragé par ses applaudissements, continua. Mais comment la charmante Dolce, notre garde malade, pourra-t-elle user de son éloquence et de ses charmes pour décider notre malade à se laisser balayer et nettoyer les entrailles, si au bout de son nez elle porte l'instrument que l'illustre représentant de l'autorité veut lui imposer? Je le demande à l'honorable société, elle a pris respectueusement de prononcer entre nous. L'honorable société, appelée ainsi à se prononcer, ne répondit pas directement, mais ses rires parlaient pour elle. On approuvait Vitalis, on se moquait de l'agent, et surtout on s'amusait des grimaces de Jolicoeur, qui, s'étant placé derrière l'illustrissime représentant de l'autorité, faisait des grimaces dans le dos de celui-ci, croisant ses bras comme lui, se campant le poing sur la hanche et rejetant sa tête en arrière avec des mines et des contorsions tout à fait réjouissantes. Agacé par le discours de Vitalis, exaspéré par les rires du public, l'agent de police, qui n'avait pas l'air d'un homme patient, tourna brusquement sur ses talons. Mais alors il aperçut le singe qui se tenait le poing sur la hanche dans l'attitude d'un matamor. Durant quelques secondes, l'homme et la bête restèrent en face l'un de l'autre, se regardant comme s'il s'agissait de savoir lequel des deux baisserait les yeux le premier. Les rires qui éclatèrent, irrésistibles et bruyants, mirent fin à cette scène. « Si demain vos chiens ne sont pas muselés, s'écria l'agent en nous menaçant du poing, je vous fais un procès. Je ne vous dis que cela. » À demain, signor, dit Vitalis, à demain. Et tandis que l'agent s'éloignait à grands pas, Vitalis resta courbé en deux dans une attitude respectueuse. Puis la représentation continua. Je croyais que mon maître allait acheter des muselières pour nos chiens, mais il n'en fit rien, et la soirée s'écoula même sans qu'il parlât de sa querelle avec l'homme de police. Alors je m'enhardis à lui en parler moi-même. Si vous voulez que Capi ne brise pas demain sa muselière pendant la représentation, lui dis-je, il me semble qu'il serait bon de la lui mettre un peu à l'avance. En le surveillant, on pourrait peut-être l'y habituer. Tu crois donc que je vais leur mettre une carcasse de fer? Dame, il me semble que l'agent est disposé à vous tourmenter. Tu n'es qu'un paysan, et comme tous les paysans, tu perds la tête par peur de la police et des gendarmes. Mais sois tranquille, je m'arrangerai demain pour que l'agent ne puisse pas me faire un procès, et en même temps pour que mes élèves ne soient pas trop malheureux. D'un autre côté, je m'arrangerai aussi pour que le public s'amuse un peu. Il faut que cet agent nous procure plus d'une bonne recette et joue un rôle comique dans la pièce que je lui prépare. Cela donnera de la variété à notre répertoire et nous fera rire nous-mêmes un peu. Pour cela, tu te rendras tout seul demain à notre place avec Jolicoeur. Tu tendras les cordes, tu joueras quelques morceaux de harpe, et quand tu auras autour de toi un public suffisant, et quand l'agent sera arrivé, je ferai mon entrée avec les chiens. C'est alors que la comédie commencera. Il ne me plaisait guère de m'en aller tout seul ainsi, préparer notre représentation, mais je commençais à connaître mon maître, et à savoir quand je pouvais lui résister. Or, il était évident que dans les circonstances présentes, je n'avais aucune chance de lui faire abandonner la partie de plaisir sur laquelle il comptait. Je me décidai donc à obéir. Le lendemain, je m'en allai à notre place ordinaire et tendis mes cordes. J'avais à peine joué quelques mesures qu'on accourut de tous côtés et qu'on s'entassa dans l'enceinte que je venais de tracer. En ces derniers temps, surtout pendant notre séjour à Pau, mon maître m'avait fait travailler la harpe, et je commençais à ne pas trop mal jouer quelques morceaux qu'il m'avait appris. Il y avait entre autres une canzonetta napolitaine que je chantais en m'accompagnant de la harpe, et qui me valait toujours des applaudissements. J'étais déjà artiste par plus d'un côté, et par conséquent disposé à croire, quand notre troupe avait du succès, que c'était à mon talent que le succès était dû. Cependant, ce jour-là, j'eus le bon sens de comprendre que ce n'était point pour entendre ma canzonetta qu'on se pressait ainsi dans nos cordes. Ceux qui avaient assisté la veille à la scène de l'agent de police étaient revenus, et ils avaient amené avec eux des amis. On aime peu les gens de police à Toulouse, comme à peu près partout ailleurs, et l'on était curieux de voir comment le vieil Italien se tirerait d'affaire et roulerait son ennemi. Bien que Vitalis n'eût pas prononcé d'autres mots que « À demain, signor », il avait été compris par tout le monde que ce rendez-vous donné et accepté était l'annonce d'une grande représentation dans laquelle on trouverait des occasions de rire et de s'amuser aux dépens de la police. De là l'empressement du public. Aussi, en me voyant seul avec Jolicoeur, plus d'un spectateur inquiet m'interrompait-il pour me demander si l'Italien ne viendrait pas. Il va arriver bientôt, et je continuai ma canzonetta. Ce ne fut pas mon maître qui arriva, ce fut l'agent de police. Jolicoeur l'aperçut le premier, et aussitôt, se campant la main sur la hanche et rejetant sa tête en arrière, il se mit à se promener autour de moi en long et en large, raide, cambré, avec une prestance ridicule. Le public partit d'un grand éclat de rire et applaudit à plusieurs reprises. L'agent fut déconcerté et il me lança des yeux furieux. Bien entendu, cela redoubla l'hilarité du public. J'avais moi-même envie de rire, mais d'un autre côté je n'étais guère rassuré. Comment tout cela allait-il finir? Quand Vitalis était là, c'était bien, il répondait à l'agent. Mais j'étais seul, et je l'avoue, je ne savais comment je répondrais si l'agent m'interpellait. La figure de l'agent n'était pas faite pour me donner bonne espérance. Elle était vraiment furieuse, exaspérée par la colère. Il allait de long en large devant mes cordes, et quand il passait près de moi, il avait une façon de me regarder par-dessus son épaule qui me faisait craindre une mauvaise fin. Jolicoeur, qui ne comprenait pas la gravité de la situation, s'amusait de l'attitude de l'agent. Il se promenait, lui aussi, le long de ma corde, mais en dedans, tandis que l'agent se promenait en dehors. Et en passant devant moi, il me regardait par-dessus son épaule avec une mine si drôle que les rires du public redoublaient. Ne voulant point pousser à bout l'exaspération de l'agent, j'appelai Jolicoeur, mais celui-ci n'était point en disposition d'obéissance. Ce jeu l'amusait, et il refusa de m'obéir, continuant sa promenade en courant et m'échappant lorsque je voulais le prendre. Je ne sais comment cela se fit, mais l'agent, que la colère aveuglait sans doute, s'imagina que j'excitais le singe, et vivement il enjamba la corde. En deux enjambées, il fut sur moi, et je me sentis à moitié renversé par un soufflet. Quand je me remis sur mes jambes et rouvris les yeux, Vitalis, survenu je ne sais comment, était placé entre moi et l'agent qu'il tenait par le poignet. « Je vous défends de frapper cet enfant, » dit-il. « Ce que vous avez fait, une lâcheté. » L'agent voulut dégager sa main, mais Vitalis serra la sienne. Et pendant quelques secondes, les deux hommes se regardèrent en face, les yeux dans les yeux. L'agent était fou de colère. Mon maître était magnifique de noblesse. Il tenait haute sa belle tête encadrée de cheveux blancs et son visage exprimait l'indignation et le commandement. Il me sembla que devant cette attitude, l'agent allait rentrer sous terre, mais il n'en fut rien. D'un mouvement vigoureux, il dégagea sa main, empoigna mon maître par le collet et le poussa devant lui avec brutalité. Vitalis faillit tomber tant la poussée avait été rude. Mais il se redressa et, levant son bras droit, il en frappa fortement le poignet de l'agent. Mon maître était un vieillard vigoureux, il est vrai, mais enfin un vieillard. L'agent, un homme jeune encore et plein de force. La lutte entre eux n'aurait pas été longue. Mais il n'y eut pas lutte. « Que voulez-vous ? » demanda Vitalis. « Je vous arrête, suivez-moi au poste. » « Et pourquoi avez-vous frappé cet enfant ? » ?»« Pas de parole, suivez-moi. » Vitalis ne répondit pas, mais se tournant vers moi. « Rentre à l'auberge, me dit-il, reste-y avec les chiens, je te ferai parvenir des nouvelles. » Il n'en put pas dire davantage, l'agent l'entraîna. Ainsi finit cette représentation que mon maître avait voulu faire amusante et qui finit si tristement. Le premier mouvement des chiens avait été de suivre leur maître, mais je leur ordonnai de rester près de moi, et habitués à obéir, ils revinrent sur leurs pas. Je m'aperçus alors qu'ils étaient muselés, mais au lieu d'avoir le nez pris dans une carcasse en fer ou dans un filet, ils portaient tout simplement une faveur en soie nouée avec des bouffettes autour de leur museau. Pour Capi, qui était à poil blanc, la faveur était rouge. Pour Zerbino, qui était noir, blanche. Pour Dolce, qui était grise, bleue. C'étaient des muselières de théâtre, et Vitalis avait ainsi costumé les chiens, sans doute pour la farce qu'il voulait jouer à l'agent. Le public s'était rapidement dispersé. Quelques personnes seulement avaient gardé leur place, discutant sur ce qui venait de se passer. Le vieux a eu raison. Non, il a eu tort. Pourquoi l'agent a-t-il frappé l'enfant qui ne lui avait rien dit ni rien fait? Mauvaise affaire, le vieux ne s'en tirera pas sans prison si l'agent constate la rébellion. Je rentrai à l'auberge fort affligé et très inquiet. Je n'étais plus au temps où Vitalis m'aspirait de l'effroi. À vrai dire, ce temps n'avait duré que quelques heures. Assez rapidement, je m'étais attaché à lui d'une affection sincère, et cette affection avait été en grandissant chaque jour. Nous vivions de la même vie, toujours ensemble, du matin au soir, et souvent du soir au matin, quand, pour notre coucher, nous partagions la même botte de paille. Un père n'a pas plus de soin pour son enfant qu'il en avait pour moi. Il m'avait appris à lire, à chanter, à écrire, à compter. Dans nos longues marches, il avait toujours employé le temps à me donner des leçons, tantôt sur une chose, tantôt sur une autre, selon que les circonstances ou le hasard lui suggéraient ses leçons. Dans les journées de grand froid, il avait partagé avec moi ses couvertures. Par les fortes chaleurs, il m'avait toujours aidé à porter la part de bagages et d'objets dont j'étais chargée. À table, ou plus justement dans nos repas, car nous ne mangeions pas souvent à table, il ne me laissait jamais le mauvais morceau, se réservant le meilleur. Au contraire, il nous partageait également le bon et le mauvais. Quelquefois, il est vrai qu'il me tirait les oreilles ou m'allongeait une taloche d'une main un peu plus rude que ne l'eût été celle d'un père. Mais il n'y avait pas dans ces petites corrections de quoi me faire oublier ses soins, ses bonnes paroles et tous les témoignages de tendresse qu'il m'avait donnés depuis que nous étions ensemble. Il m'aimait et je l'aimais. Cette séparation m'atteignit donc douloureusement. Quand nous reverrions-nous? On avait parlé de prison. Combien de temps pouvait durer cet emprisonnement? Qu'allais-je faire pendant ce temps? Comment vivre? De quoi? Mon maître avait l'habitude de porter sa fortune sur lui, et avant de se laisser entraîner par l'agent de police, il n'avait pas eu le temps de me donner de l'argent. Je n'avais que quelques sous dans ma poche. Serait-il suffisant pour nous nourrir tous? Joli cœur, les chiens et moi. Je passai ainsi deux journées dans l'angoisse, n'osant pas sortir de la cour de l'auberge, m'occupant de Joli cœur et des chiens qui tous se montraient inquiets et chagrins. Enfin, le troisième jour, un homme m'apporta une lettre de Vitalis. Par cette lettre, mon maître me disait qu'on le gardait en prison pour le faire passer en police correctionnelle le samedi suivant, sous la prévention de résistance à un agent de l'autorité et de voix de fait sur la personne de celui-ci. En me laissant emporter par la colère, ajoutait-il, j'ai fait une lourde faute qui pourra me coûter cher. Mais il est trop tard pour le reconnaître. Viens à l'audience, tu y trouveras une leçon. Puis il ajoutait des conseils pour ma conduite. Il terminait en m'embrassant et me recommandant de faire pour lui une caresse à Capi, à Joli Cœur, à Dolce et à Zerbino. Pendant que je lisais cette lettre, Capi, entre mes jambes, tenait son nez sur le papier, flairant, reniflant, et les mouvements de sa queue me disaient que bien certainement il reconnaissait par l'odorat qu'elle avait passé par les mains de son maître. Depuis 3 jours, c'était la première fois qu'il manifestait de l'animation et de la joie. Ayant pris des renseignements, on me dit que l'audience de la police correctionnelle commençait à 10 heures. À 9 heures, le samedi, j'allais m'adosser contre la porte, et le premier je pénétrai dans la salle. Peu à peu la salle s'emplit, et je reconnus plusieurs personnes qui avaient assisté à la scène avec l'agent de police. Je ne savais pas ce que c'était que les tribunaux et la justice, mais d'instinct j'en avais une peur horrible. Il me semblait que bien qu'il s'agît de mon maître et non de moi, j'étais en danger. J'allais me blottir derrière un gros poêle, et m'enfonçant contre la muraille, je me fis aussi petit que possible. Ce ne fut pas mon maître qu'on jugea le premier, mais des gens qui avaient volé, qui s'étaient battus, qui tous se disaient innocents, et qui tous furent condamnés. Enfin, Vitalis vint s'asseoir entre deux gendarmes, sur le banc où tous ces gens l'avaient précédé. Ce qui se dit tout d'abord, ce qu'on lui demanda, ce qu'il répondit, je n'en sais rien. J'étais trop ému pour entendre, ou tout au moins pour comprendre. D'ailleurs, je ne pensais pas à écouter, je regardais. Je regardais mon maître qui se tenait debout, ses grands cheveux blancs rejetés en arrière, dans l'attitude d'un homme honteux et peiné. Je regardais le juge qui l'interrogeait. « Ainsi, dit celui-ci, vous reconnaissez avoir porté des coups à l'agent qui vous arrêtait ?»« Non des coups, monsieur le président, mais un coup. Lorsque j'arrivais sur la place où devait avoir lieu notre représentation, je vis l'agent donner un soufflet à l'enfant qui m'accompagnait. « Cet enfant n'est pas à vous ?»« Non, monsieur le président, mais je l'aime comme s'il était mon fils. » Lorsque je le vis frapper, je me laissai entraîner par la colère. Je saisis vivement la main de l'agent et l'empêchai de frapper de nouveau. Vous avez vous-même frappé l'agent? C'est-à-dire que lorsque celui-ci me mit la main au collet, j'oubliai quel était l'homme qui se jetait sur moi, ou plutôt je ne vis en lui qu'un homme, au lieu de voir un agent, et un mouvement instinctif, involontaire, m'a emporté. À votre âge, on ne se laisse pas emporter. On ne devrait pas se laisser emporter. Malheureusement, on ne fait pas toujours ce qu'on doit. Je le sens aujourd'hui. Nous allons entendre l'agent. Celui-ci raconta les faits tels qu'ils s'étaient passés, mais en insistant plus sur la façon dont on s'était moqué de sa personne, de sa voix, de ses gestes, que sur le coup qu'il avait reçu. Pendant cette déposition, Vitalis, au lieu d'écouter avec attention, regardait de tous côtés dans la salle. Je compris qu'il me cherchait. Alors je me décidai à quitter mon abri et me faufilant au milieu des curieux, j'arrivai au premier rang. Il m'aperçut et sa figure attristée s'éclaira. Je sentis qu'il était heureux de me voir et malgré moi, mes yeux s'emplirent de larmes. « C'est tout ce que vous avez à dire pour votre défense ?» demanda enfin le président. « Pour moi, je n'aurai rien à ajouter, mais pour l'enfant que j'aime tendrement et qui va rester seul, pour lui, je réclame l'indulgence du tribunal et le prie de nous tenir séparés le moins longtemps possible. Je croyais qu'on allait mettre mon maître en liberté, mais il n'en fut rien. Un autre magistrat parla pendant quelques minutes. Puis le président, d'une voix grave, dit que le nommé Vitalis, convaincu d'injures et de voies de fait envers un agent de la force publique, était condamné à 2 mois de prison et à 100 francs d'amende. 2 mois de prison ? À travers mes larmes, je vis la porte par laquelle Vitalis était entré se rouvrir. Celui-ci suivit un gendarme, puis la porte se referma. 2 mois de séparation. Où aller ?